Section 20 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095 jusqu'à 1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaud. Chapitre 4, 6e partie, L'Allemagne et l'Italie après la lutte, par Charles Baillet. Au terme de ce long duel entre les successeurs des Césars et ceux de Saint-Pierre, entre la royauté et les villes, entre l'Allemagne et l'Italie, quelle est la situation des puissances qui s'y sont trouvées engagées? Ruine du pouvoir impérial. L'Empire est bien mort. La chimère de la domination universelle, qui a troublé les têtes les plus solides, celle d'un Otto le Grand, d'un Frédéric Ier, survit encore dans quelques imaginations malades, mais nul ne se soucie de se sacrifier pour elle. Lorsque l'anti-César Guillaume de Hollande meurt, 1256, deux partis vendent l'élection impériale, l'un au comte Richard de Cornouailles, frère du roi d'Angleterre, l'autre au roi de Castille, Alphonse le Sage. Celui-ci ne vint jamais en Allemagne. Richard ne fit qu'y apparaître. Quand prendra fin le grand interrègne? Le système politique du Moyen-Âge aura changé. Désormais, si les empereurs, par acquis de conscience, revendiquent encore la domination du monde, dans la pratique ils se gardent bien d'épuiser leurs forces à la réaliser. L'Italie, où tant de leurs prédécesseurs ont vu sombrer leur puissance, où tant d'armées allemandes ont disparu, décimées par le fer ou par les fièvres, l'Italie les effraie. Il répugne à s'y aventurer dans l'épaisse et ardente mêlée des factions ghibellines et guelfes. Rome est l'antre du lion, disait Rodolphe de Habsbourg. Toutes les traces indiquent bien qu'on y va, mais je n'en vois aucune qui montre qu'on en revient. Rares seront ceux qui passeront les Alpes. Affaiblissement du pouvoir pontifical. La papauté, victorieuse en apparence, est pourtant bien atteinte. Pour elle, les temps d'épreuve et de ruine sont proches. Les élections pontificales sont laborieuses. Les électeurs peu nombreux, ambitieux, travaillés par les influences extérieures, souvent ne parviennent pas à s'entendre. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les vacances se prolongent pendant des mois, quelquefois des années. La société chrétienne s'habitue à se passer de pape comme elle se passe d'empereur. Dans sa capitale même, à Rome, la papauté se heurte toujours à l'orgueilleuse commune romaine. Sans cesse elle est exilée, elle erre de ville en ville. En 1253, quand Innocent IV, après 6 ans passés à Lyon, hésitait encore à retourner à Rome, le chef du municipe, le sénateur Brancaleone di Andalo, allié de Manfred, au nom du peuple romain, le sommet d'y revenir, et le pape y rentrait tremblant pour aller bientôt après s'établir à Anagni. Un peu plus tard, Rome est le centre des alliances contre la papauté et Charles d'Anjou en faveur de Conradin. Nous avons vu le petit-fils de Frédéric II y entrer en triomphateur. Puis ce fut Charles d'Anjou, avec le titre de sénateur, qui y gouverna. Ainsi, spoliés de leur capitale, les papes y deviennent étrangers. Alexandre IV, 1254 jusqu'à 1261, n'y met pas les pieds. Clément IV, 1265 jusqu'à 1268, choisit Pérouse pour résidence. Dans la plupart des villes du domaine de Saint-Pierre se développe le même esprit municipal. Ou bien elles sont hostiles au pape, ou bien elles traitent avec lui de puissance à puissance. Bientôt la papauté, dépouillée de ses états, devra s'exiler et subir les amertumes et les hontes de la captivité de Babylone. En outre, elle a fort affaibli son autorité morale sur la société chrétienne. L'âpreté de haine qu'elle a montrée dans la lutte contre l'Empire inquiète et scandalise même des âmes pieuses. Son ambition politique alarme les rois et les grands. La cupidité avec laquelle elle cherche à s'assurer des ressources exaspère les peuples. Un chroniqueur qui s'est fait souvent l'écho de ses sentiments hostiles, Mathieu Paris, raconte que, après la mort d'Innocent IV, son successeur Alexandre IV vit en rêve le Christ siégeant en juge et près de lui une femme qui personnifiait l'Église. À ses pieds, le pape mort implorait le pardon de ses fautes. Accusé d'avoir ruiné l'Église, il était condamné par le Christ qui lui disait « Va recevoir la récompense de tes œuvres ». En Angleterre, l'opinion populaire se prononce contre Henri III, qui n'ose s'affranchir des exactions de la cour romaine. Au Concile de Lyon même, les Anglais protestent contre la rapacité des légats. En France, Saint Louis donne à Innocent IV des leçons de charité chrétienne. Et d'autre part, ducs, comtes, barons forment contre les exigences de la papauté des ligues dont on a encore les manifestes. D'ailleurs, la foi du Moyen-Âge dans le principe d'unité appliquée au gouvernement de la société chrétienne s'efface. Pendant des siècles précédents, au premier plan de l'histoire générale, on n'aperçoit guère que la papauté et l'Empire. Les autres États chrétiens sont comme dans la pénombre, repliés sur eux-mêmes. Plusieurs accomplissent un lent travail de formation intérieure, amassent des forces, tandis que la papauté et l'Empire épuisent les leurs. Au contraire, à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, le roi de France, le roi d'Angleterre apparaissent en pleine lumière. Et les États, dont la personnalité s'est constituée, se montrent rebelles à toute suprématie, repoussent les prétentions au gouvernement universel, de quelque part qu'elles viennent. Du jour où l'Empire est en décadence, la papauté leur devient plus suspecte encore. Ils s'apprêtent à la combattre. Philippe le Bel vengera sur Boniface VIII la défaite de Frédéric II. Enfin, à l'intérieur même de l'Église, le joug de la cour romaine paraît chaque jour plus lourd. On lui reproche son intervention continue, son ambition, son avidité. Même ses plus ardents soldats dans la lutte contre l'empereur, les moines mendiants de Saint François, se retournent déjà contre elle, l'accusent de perdre l'Église, dont ils réclament la réforme. L'anarchie allemande. Les peuples que les deux pouvoirs rivaux ont entraînés dans leur lutte en subissent les conséquences. On a vu comment l'Allemagne cesse de plus en plus d'être un État pour devenir une confédération de principautés souveraines. Au XIVe siècle, ceux-là seuls parmi les rois allemands auront quelques crédits qui s'appuieront sur de beaux domaines héréditaires. L'esprit d'indépendance est partout. Les anciens royaumes d'Arles, de Bourgogne, la Lorraine se détachent de l'Empire. Dans ces régions, où l'autorité impériale a toujours été faible, l'influence de la royauté française s'accroît maintenant à ses dépens. En Allemagne, à côté des hauts seigneurs, des Dominiterrei, qui sont de véritables souverains, et dont les principaux forment un collège électoral de plus en plus étroit, les grandes villes deviennent de véritables républiques. Dès les dernières années du règne de Frédéric II, fidèles en général à l'empereur, elles ne veulent pas cependant associer jusqu'au bout leur destinée aux siennes. Dès 1250, Brizard déclare que Au cas où le sérénissime empereur Frédéric serait humilié à ce point que les villes auxquelles elle s'est confédérée se décideraient à l'abandonner pour choisir un seigneur autre que lui ou son fils Conrad, elle n'en reconnaîtra pas d'autre que l'évêque de Bâle. D'ailleurs, les villes s'allient entre elles. En 1255, la Grande Ligue du Rhin, qui s'était organisée sous Frédéric II, comptait 70 villes ou princes associés. Donc aucune unité. L'expression les Allemagnes, que nos chroniqueurs français employaient quelquefois pour désigner ces pays, est l'image exacte de cet état de choses. L'anarchie italienne. En Italie, les divisions sont encore plus nombreuses et plus graves. Au sein des villes que déchirent les factions survivra le parti qui regrette l'empereur, qu'il appelle à grands cris comme le pacificateur par excellence, comme le représentant de l'unité et de l'ordre. Dans la Divine Comédie, dans le De Monarchia, Dante a immortalisé les passions et les espérances de ces gibelins qui ne peuvent renoncer aux rêves de l'Empire. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova e sola, e dì e notte chiama. Cesare mio, perché non m'accompagne? Mais si quelques rois des Romains, comme le naïf et chevaleresque Henri VII de Luxembourg, se hasardent dans l'antre italien, bientôt éclatent de nouveau autour de lui les troubles et les insurrections. L'Italie municipale a triomphé de la haine des Hohenstaufen, mais, désunie même pendant la lutte, elle voit se désagréger après la victoire les ligues qui ont défendu son indépendance. La guerre y est l'état normal. Chaque ville a près d'elle une rivale dont elle rêve la mort, sur laquelle elle se rue au moindre prétexte. En 1220, par exemple, une dispute à Rome entre un envoyé florentin et un envoyé pisan au sujet d'un chien devient la cause d'une guerre. On se bat sur le sol italien. On se bat au dehors. Pise, Gênes, Venise s'attaquent en Terre Sainte, à Constantinople, sur mer, partout où elles se rencontrent. Les ligues qui se concluent ne sont plus dirigées contre l'étranger, mais contre les cités rivales. La haine dicte leur politique. Qu'une ville tienne pour l'empereur, ses rivales se tournent vers le pape. Florence est guelfe, Pise sera gibelline. Exaspérés par ces rancunes envieillies et enfiélées, les victoires s'accompagnent d'effroyables sauvageries. Lorsque Henri VI livra Tivoli aux Romains, ceux-ci massacrèrent ou mutilèrent les habitants, détruisirent la ville. Plus terrible encore sont les discordes intestines. Ah! Italie esclave! S'écriera Dante. Séjour de douleur, navire sans pilote dans une violente tempête, non plus reine des nations, mais lune à part. Maintenant ne peuvent pas vivre sans guerre ceux qui habitent les contrées, et l'on y voit se ronger l'un l'autre ceux qu'entourent une même muraille et un même fossé. Bien des causes forment et déchaînent les factions. Les anciens nobles que, dans nombre de villes, la bourgeoisie a contraints pour les surveiller et à résider à l'intérieur des murs, se mêlent à la vie publique, parfois s'emparent du pouvoir et gouvernent sous le masque d'institutions établies contre eux. À Milan, à la fin du XIIe siècle, ils forment la Credenza dei Consoli, et se rendent maîtres des fonctions municipales. Chassés en 1221, ils se renferment dans leur château, constituent la Ligue de San Fausto et font la guerre à leurs concitoyens. Ceux de Plaisance, expulsés en 1218, agissent de même. Ainsi, au dedans ou au dehors de la ville, ils ne cessent pas d'être dangereux. D'autres fois, la grosse bourgeoisie s'allie avec eux. En effet, de plus en plus, les luttes intestines prennent un caractère social. Les artisans, le peuple maigre, arti minori, Popolo Minuto. De toutes parts monte à l'assaut du gouvernement municipal qu'accapare l'aristocratie bourgeoise. Arti Maggiori, Popolo Grasso. Sous les étiquettes de guelfes et de gibelins, ce sont ces factions qui luttent. D'ordinaire, les gibelins sont le parti de la noblesse, de la haute bourgeoisie, les guelfes celui de la démocratie. Sans scrupule, les gibelins ou les guelfes d'une cité s'allieront avec ceux d'une cité ennemie et combattront contre leur patrie. À la bataille de Montaperti, 1260, les gibelins de Florence sont dans les rangs des Siennois. Toutefois, quand les vainqueurs proposèrent de détruire Florence, de la transformer en bourg ouvert, le Florentin Farinata degli Uberti se leva et déclara à ses alliés qu'il défendrait sa patrie jusqu'à la mort. À l'intérieur, la faction s'organise parfois en gouvernement régulier. En 1266, à Florence, les guelfes vainqueurs se donnent une véritable constitution. Ils ont des conseils, des chefs élus, les capitani della parte guelfa. C'est un état qui se constitue à côté du gouvernement municipal et qui, par sa cohésion, le domine. Chaque ville est donc comme un champ de bataille où deux armées en présence sont toujours sur le point de se jeter l'une sur l'autre. Les cités se hérissent de tours, les palais des familles puissantes deviennent de sombres forteresses. On ne sort qu'armés, prêts au combat. Quel que soit celui des deux partis qui triomphe, il chasse ses ennemis du gouvernement municipal. Il confisque leurs biens, mais proscrit, les met hors la loi, les égorge. Déjà d'ailleurs s'annonce la révolution qui étouffera l'Italie municipale pour y substituer celle des seigneuries ou des tyrannies. Au cours des guerres de Frédéric II en Italie, on voit apparaître en bien des endroits ces nobles qui, comme les Ezzelins de Romano, les Azzo d'Est, mettent la main sur le gouvernement des villes. Ne faut-il pas à chaque faction un chef habile et énergique? La noblesse choisit un des siens. Le parti adverse lui aussi prend souvent un noble ambitieux qui a rompu avec sa caste. Les factions s'identifient avec ces chefs et bientôt leur lutte semble ne plus être que la lutte de deux familles puissantes. Ainsi à Milan, les Toriani et les Visconti. À Bologne, les Lambertazzi et les Giaramae, etc. Celles qui triomphent ne marchandent pas l'autorité au chef. Dès 1208, à Ferrare, le peuple choisit seigneur à perpétuité Azzo, marquis d'Est, avec un pouvoir sans limite. L'institution du podestat, maintenant nommée par les villes, favorise encore cette transformation. On en trouvera dans un autre chapitre l'histoire détaillée. Il suffisait d'indiquer ici comment elle se rattache aux guerres du sacerdoce et de l'Empire. Bientôt Dante pourra écrire « L'Italie est pleine de tyrans et l'on trouve un Marcellus dans tout manant qui forme un parti. » Telle est la situation politique de l'Italie municipale au milieu du XIIIe siècle. Mais, en dépit de ces discordes et de ces guerres, l'activité individuelle, que surexcite même cette existence d'agitation continue et de combat, y est féconde en résultats heureux. À Florence, les marchands de l'art de Kalimala répandent dans le monde entier leurs draps façonnés. Les banquiers disséminent leurs comptoirs depuis l'Angleterre jusqu'à l'Extrême-Orient. Ils prêtent au pape, au roi, et, par leur habileté financière, par leur crédit, interviennent dans le gouvernement des États. Venise concentre presque tout le commerce de l'Orient avec l'Occident. Déjà commence la Renaissance. Les poètes sont nombreux à Florence. Quelques-uns, Lapo degli Uberti, Guido Cavalcanti, sont en même temps de grands personnages, des chefs de parti. Dante naît en 1265. Dans les arts, Nicolas de Pise, qui renouvelle la sculpture par l'étude des bas-reliefs romains, a travaillé pour Frédéric II. Avant la fin du siècle, à Florence, Giotto ramène la peinture à l'étude de la nature, tandis qu'Arolfo del Cambio entreprend la construction du palais de la Seigneurie, de Santa Maria del Fiore, de Santa Croce. Ainsi, à quelques points de vue qu'on se place, la mort de Frédéric II et la chute des Hohenstaufen marquent la fin du Moyen-Âge tel qu'il s'est développé depuis Charlemagne. Par une série d'évolutions, dont on suit la trace dans l'histoire politique comme dans l'histoire de la pensée ou des arts, une nouvelle société s'est formée au cours des luttes entre le sacerdoce et l'Empire, en Italie et en Allemagne, aussi bien qu'en France ou en Angleterre. Elle apparaît en pleine lumière avec une physionomie, une tournure d'esprit originale. La légende de Frédéric II. Cependant, les générations qui suivirent gardèrent longtemps le souvenir de celui qui avait si énergiquement lutté contre la puissance pontificale. Parmi ses contemporains, même, beaucoup ne purent croire à sa mort. Les franciscains, ses ennemis, commentant les prédictions de Joachim de Flore, virent en lui l'antéchrist, déclarèrent qu'il reparaîtrait pour faire plus de mal encore à l'Église. Dès 1259, dans le sud de l'Italie, un ermite qui lui ressemblait se fit passer pour lui, recruta des partisans et fut accueilli par les barons de la Sicile et de la Pouille hostiles à Manfred. Manfred s'en empara et le fit mettre à mort. Dès lors, si le souvenir de Frédéric se maintint en Italie, si Dante, par exemple, l'atteste par divers endroits de ses œuvres, on n'y trouve plus de traces de la croyance à son retour. Mais en Allemagne, la légende populaire s'attacha obstinément à lui. Dans les dernières années de son règne, en Souabe, des dominicains, en partie sous l'influence d'idées joachimites, avaient enseigné à leur tour qu'Innocent IV était l'antéchrist, que Frédéric et son fils étaient des parfaits, des justes, qu'il fallait voir dans l'empereur le défenseur et le réformateur de l'Église, Principalis Defensor Ecclesiae. La chute de Frédéric frappa leurs espérances, mais leur imagination apocalyptique ne se découragea pas. Ils annoncèrent qu'il reviendrait achever son œuvre. En 1283, à Cologne, apparaît un faux Frédéric, Thiel Kolop ou Dietrich Holzschuh. Le franciscain italien Salim Ben le montre suivi d'une grande foule d'Allemands auxquels il prodigue des dons. Même des villes lombardes expédient en Allemagne des envoyés pour se renseigner. Après qu'il eût été brûlé comme sorcier à Mayence, en présence de Rodolphe de Habsbourg, que les cendres de son bûcher eurent été dispersées, le peuple ne crut pas encore à la mort de Frédéric. Il reviendrait, chasserait les prêtres, délivrerait l'Allemagne de la tyrannie ecclésiastique. Un nouvel imposteur qui parut à Lübeck peu de temps après fut accueilli de même par les classes populaires. De génération en génération, la légende s'accroît, devient l'expression des aspirations allemandes. Frédéric rétablira la paix, reconquérera la Saint-Sépulcre. En 1348, Jean de Winterthur écrit que la conviction se répand qu'il va reparaître à la tête d'une puissante armée pour tout réformer et, comme il est franciscain, il croit nécessaire de réfuter les croyances de ceux qui espèrent en Frédéric comme les Juifs en leur Messie. D'après les uns, il a disparu un jour où il chassait dans une forêt. Il est au-delà de la mer avec ses fidèles. D'autres, surtout au XVe siècle, le font vivre sur le Kiffhauser en Thuringe, soit dans une grotte, soit dans les ruines d'un château. Il est assis devant une table dont sa barbe a plusieurs fois fait le tour. En 1537 encore, en temps de Charles Quint, un poème annonce son retour. Note: En 1519, pour la première fois dans le Volksbüchlein von Kaiser Friedrich, Frédéric II est dépouillé de sa légende en faveur de son aïeul, Frédéric Ier. Mais cette erreur, qu'on retrouve encore en 1681, dans l'Alectriomantia de Jean Praetorius, n'a été définitivement propagée que par une ballade de Rückert en 1813. Fin de note. Fin de la section 20.